Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Yeah. take a trip with me to future world. And if you run through your life and you don't know what the sense is, come and look how it could be in future. Future. Metal Express, c'est avec Eric sur Radio Heavy Metal. Metal Express avec Eric. Metal Express avec Eric.